Chapitre 15e, Salavert. L'entrevue de Maître Maxou avec le baron Walker n'avait jeté qu'une demi-lumière sur ce qu'il lui importait de connaître. Pour lui, le baron était un de ces audacieux tripoteurs d'argent que la fortune favorise, un de ces joueurs habiles qui savent gagner des millions avec les écus des autres. Son projet de la création d'une société générale des huiles minérales avait quelque chose de grandiose et qui dénotait de merveilleuses aptitudes financières. L'affaire, telle qu'il l'avait présentée, était en effet de nature à tripler son immense fortune et du même coup à enrichir ses actionnaires. Mais d'autre part, ce qui lui paraissait inadmissible, c'était que ce remueur d'argent, dont toute l'activité se dépensait dans de colossales entreprises, fut à ses heures une sorte de némorin amoureux d'une Estelle jusqu'à l'épouser. Un autre point demeurait également inexplicable, c'étaient les rapports qui, au dire d'Irène, avaient existé entre le gars et le richissime banquier. Quel lien mystérieux l'aurait donc rattaché à cette femme à laquelle il avait servi une pension annuelle de 6 000 francs jusqu'au jour où Irène avait refusé de l'accepter pour mari. Maître Maxou, un instant, avait espéré trouver dans le bahut Henri III l'explication de l'énigme, mais cet espoir ne s'était point réalisé. Le meuble fouillé en tous sens n'avait livré aucun secret. Y aurait-il un faux baron Walker qui se serait paré du nom de l'opulent financier afin d'éblouir Irène par l'éclat d'une fortune princière? La chose pouvait être supposable. En effet, le portrait que la jeune fille avait fait de son adorateur n'offrait aucune ressemblance avec le personnage qu'il venait de voir rue Lafitte. Le visiteur d'Olga avait une chevelure d'un blond cendré et le costume d'un bon bourgeois du Marais, tandis que le banquier Walker, dont les favoris étaient d'un roux brun, avait le crâne presque entièrement dénudé et se mettait avec la distinction de l'homme qui passe sa vie dans les hautes sphères sociales. Ces divers points demandaient avant tout à être éclaircis. Mais à qui s'adresser? À la police? Il ne fallait pas songer à la mettre en mouvement avec des indices aussi vagues. La police de sûreté a sa spécialité dont on ne peut pas la sortir. Un crime étant commis, si le coupable est inconnu, elle le recherche dans les bas-fonds du 3e dessous de Paris, et souvent il se dénonce lui-même par son fer. Le crime, en effet, a son cachet comme l'art. Lassner poignardait d'une certaine façon, Maillard avait aussi sa manière d'opérer. Dans le cas qui préoccupait Maître Maxou, il n'existait rien de semblable. Il y avait bien eu des manœuvres ténébreuses pour faire trébucher la vertu d'une jeune fille, mais le caractère délictueux manquait. « Ah !» pensait le jeune avocat. « Si j'avais sous la main mon ancien camarade Salavert, il tirerait cette affaire au clair. » J'en suis convaincu. Mais qu'est-il devenu depuis l'incendie des billets de banque que Miss Colfax lui avait donné pour acheter une étude? Est-il mort? Est-il vivant? Est-il toujours fou? Ou a-t-il recouvré la raison? Si encore je savais où perche Martineau, j'irais lui demander des nouvelles de Salavert. Mais Martineau n'a pas de résidence fixe. Un jour ici, le lendemain là, il est introuvable. Tout à coup, Maxou se frappa le front. Oui, c'est cela. Peut-être Cabarrox connaît-il l'adresse de Salavert. Si Salavert est encore de ce monde. Le docteur Cabarrox occupait un splendide appartement boulevard des Italiens. Le jeune avocat se rendait chez lui à l'heure de ses consultations. Le salon du médecin en chef de l'Hôtel-Dieu regorgeait de visiteurs. Maître Maxou, en voyant cette affluence, comprit qu'il faudrait perdre 2 grandes heures à attendre s'il ne trouvait pas moyen d'obtenir un tour de faveur. Il prit sa carte, sur laquelle il mit une pièce de 20 francs, et l'attendit au domestique qui était assis dans l'antichambre. « Pour vous, si vous portez sur le champ ma carte docteur. »« Suffit et compris, » repartit le domestique. « Suivez-moi. Je vais vous placer dans le petit cabinet que les clients traversent pour s'en aller. De cette façon, mon maître vous apercevra et il pourra vous faire entrer avant les autres. » La chose se passa comme le domestique l'avait annoncé. Cabarrox, au bout de quelques minutes, sortit de son cabinet pour conduire un client et ayant vu Maxou, il courut à lui les mains ouvertes. « T'aviserais-tu par hasard d'être malade ?» lui demanda-t-il. « Je me porte aussi bien que le Mont Valérien, » répondit l'avocat, « et grâce au ciel, ce n'est pas au médecin que je viens recourir. »« Tant mieux, mon cher, j'aime mieux faire de la médecine pour les autres que pour mes amis. Maintenant, explique-moi en 2 mots l'objet de ta visite, car je suis fort pressé. » »« Une simple question et c'est tout. Salavert est-il guéri de sa folie ? Vit-il toujours ? Il se porte comme toi et moi, de corps et d'esprit. » « Sais-tu où il demeure ?» demanda Maxou. « Tu tombes, ma foi, on ne peut mieux. Pas plus tard qu'hier, à Plessis-et-Rougemont chez un client, je me suis rencontré nez à nez avec Salavert, qui habite Cité Bergère où il a monté une agence d'affaires. Le numéro ? Numéro 5. Merci, cher ami. Je te laisse à tes malades, dit Maxou en serrant la main du docteur, et je cours chez notre ancien camarade. Maître Maxou, sans plus tarder, se rendit au numéro 5 de la Cité Bergère. La maison dans laquelle il entra était une de ces maisons de rapport qui ne brillent ni par l'élégance extérieure, ni par le confort intérieur. L'allée qui conduisait à l'unique escalier était remplie de plaques en cuivre ou de simples pancartes indiquant les noms des locataires et leurs professions. L'une de ces pancartes attira les regards de l'avocat. On lisait, écrit en gros caractères, ces trois mots « Agence générale d'affaires » et au-dessous « Jean-Prosper Rigaudy ». Effectue la rentrée des créances, donne des consultations pour affaires litigieuses et fait des mariages. Cette enseigne sent un lieu sans Salavert, pensa le jeune avocat en ouvrant la porte de la loge du concierge. Monsieur Salavert, demanda-t-il. Je ne connais pas, répondit le Cerbère. Mais vous avez chez vous un agent d'affaires. Monsieur Jean-Prosper Rigaudy, comme vous pouvez le lire sur cette pancarte. Maître Maxou eut la vague intuition que ce Rigaudy et Salavert ne faisait peut-être qu'une même tête sous deux bonnets. « À quel étage demeure M. Rigaudy ? » dit-il au concierge. « Au quatrième, la porte en face l'escalier. » Parvenu à l'âge indiqué, l'avocat donna un coup de sonnette qui fit accourir une femme ayant dépassé la trentaine et qui avait toutes les allures d'une servante maîtresse. « Monsieur Rigaudy ? » demanda Maxou. « C'est ici. Peut-on le voir ? Votre nom ? Voici ma carte. » La femme ouvrit une porte, disparut, et quelques secondes plus tard, la réponse ne tarda pas à arriver sous la forme de M. Rigaudy, ou plutôt de Salavert en personne. « Toi ici, mon bon ! » exclama-t-il en faisant entrer l'avocat dans son cabinet de travail. Ce que l'ex-maître clerc de notaire nommait pompeusement son cabinet de travail était tout simplement une pièce mansardée. Pour tout ameublement, il s'y trouvait une grande table ronde qui, jadis, avait dû figurer dans une salle à manger et trois ou quatre chaises en paille. Contre les murs blanchis à la chaux s'étageaient des rayons en bois blanc, sur lesquels étaient rangés quelques dossiers étiquetés. La table ronde, encombrée de paperasses de toutes sortes, offrait un fouillis inextricable au milieu duquel tout autre que le patron du logis n'aurait pu se reconnaître. « C'est une installation provisoire, mon bon, » dit Salavert, qui tenait à atténuer le fâcheux effet que sa misère pouvait produire sur l'esprit de son ancien camarade. « Tout ce qu'il y a de plus provisoire, » répéta-t-il, comme pour donner plus de force à son affirmation. En effet, ce n'est pas précisément resplendissant chez toi, mon pauvre Salavert, répondit Maître Maxou, qui se sentait pris à la gorge par une odeur nauséabonde d'oignons brûlés qui venait d'une pièce contiguë dans laquelle la servante cuisinait sans doute quelques rougatons pour le dîner. Que veux-tu ? Répliqua l'ex-clerc. Lorsqu'on est tombé dans les griffes de l'adversité, il n'est guère facile d'en sortir. Cependant, petit bonhomme n'est pas mort. Il vit encore. Mon cabinet d'affaires commence à avoir une certaine extension, et Dieu aidant, je ne tarderai pas à reprendre ma place au soleil. Mais quelle fantaisie t'a passé par la tête d'échanger ton nom qui était des mieux sonnants contre celui moins euphonique de Rigaudy. Sans Cabarrox qui t'a rencontré, j'aurais mis des jours et des mois entiers à te chercher vainement. Vois-tu, mon bon, répondit Salavert, quand on tombe au fond de l'océan parisien, le plus sûr, c'est de faire le plongeon et de recommencer sa vie sous une enveloppe nouvelle. Les imbéciles seuls gardent leur ancienne pelure, aussi n'arrive-t-il à rien. Salavert est mort, vive Rigaudy, l'homme d'affaires irréprochable, le tombeau des secrets de famille. En Amérique, dans la grande et pratique Amérique, les choses se passent autrement. Plus on tombe, plus la considération s'élève. À la cinquième faillite, on commence à devenir un citoyen respectable et toutes les bourses s'ouvrent, comme témoignage d'estime pour l'homme fort qui brave les naufrages. Mais je suis à Paris, et je dois me plier au bigulisme qui y règne. Mais c'est assez parlé de moi, ajouta Salavert. Si tu t'es donné tant de mal pour me retrouver, c'est que tu as sans doute besoin de moi. Dis-moi ce dont il s'agit. L'amitié est une chose qui ne change point, le seul sentiment qui surnage après toutes les tempêtes. En effet, j'ai besoin de toi, cher ami, répondit Maître Maxou. Il me faut un homme habile pour m'aider dans une affaire délicate. Allons, lève le rideau, je t'écoute, mon bon. Connais-tu, de nom au moins, un riche banquier qui s'appelle le baron Walker ? Tu me demandes ça à moi. Mais le baron Walker est, après Rothschild, l'homme le plus connu de tout Paris. Mes compliments, mon bon, si tu es en relation avec ce nabab de la finance. J'ai en effet une grosse affaire engagée avec lui. Je suis le liquidateur de la succession Colfax et, comme tel, en pourparlers avec le baron pour la vente des puits de pétrole qui font partie de la dite succession. Si tu viens me consulter sur la solvabilité du baron, je te répondrai une seule chose, c'est de l'or en barre, mon bon. Ce gaillard-là remue des millions à l'appel et tu peux traiter avec lui les yeux fermés. Ce n'est pas la question de solvabilité qui m'inquiète, reprit Maxou, puisque je traite avec lui au comptant 50 millions qu'il me comptera contre les titres de propriété des puits de Pennsylvanie. 50 millions, s'écria Salavert. 50 millions. Et pensez qu'il y a des gens qui peuvent dire « Ce pactole est à moi. Je l'ai dans le fond de mon boursicot. » Mais en quoi puis-je t'être utile, puisque tu traites au comptant ? C'est qu'il y a une question autre que celle des millions. Le baron Walker se trouve mêlé à une affaire qui m'intéresse vivement, et je voudrais savoir à quoi m'en tenir au sujet de ce personnage. Article renseignement et discrétion. Continue, mon bon, et achève ton exposé. Ce n'est pas le riche banquier que je désirais connaître à fond, mais le baron personnellement. Il m'importe d'être instruit au juste sur ce qu'il est et sur ce qu'il a été. En un mot, être mis au courant de sa vie privée. Le mur de M. Guilloutet. Compris, mon bon. Mais le mur d'un personnage aussi important que le baron Walker est élevé. Et ce ne sera pas une mince besogne que de le percer ou de l'escalader. C'est précisément parce que la chose ne sera pas facile que je suis venu à toi. Du reste, la personne pour laquelle j'agis est riche. Elle payera largement. Combien donnera-t-elle ? Fixe-toi même la somme. 1 billet de 1 000, fit Salavert avec une certaine hésitation. Tu t'estimes trop peu, mon cher, répondit l'avocat. C'est 5 000 francs que je te compterai si tu réussis. 5 000 francs. Mais avec 5 000 francs, ma résurrection est assurée, exclama joyeusement l'ex-clerc de notaire. Avant 3 ans, je serai millionnaire et je reprendrai mon véritable nom. Ainsi, tu acceptes plutôt 10 fois qu'une. Et tu te mettras l'œuvre sur le champ ? Sur le champ. Qu'en penses-tu avoir pris tes renseignements ? Ça, c'est l'inconnu. Donne-moi ton adresse. Dès que j'aurai du nouveau, j'irai te l'annoncer. Mon adresse est sur la carte que je t'ai fait passer. Tiens, c'est ma foi vrai, je l'avais oublié. Pourrais-tu au moins me faire connaître ton plan de campagne ? Demanda Salabert. Avant de mettre le siège devant la place, il faut en étudier les fortifications. C'est ce que je vais faire aujourd'hui même. Et demain, je t'expliquerai le système d'attaque que j'aurai trouvé. Eh bien, à demain. Je serai chez toi sur le coup de 10 heures du matin, mais comme je vais être probablement forcé de faire des avances, tu m'obligerais fort en me donnant ce que nous appelons au baron une provision. C'est juste, répondit maître Maxou en tirant de son portefeuille 1 billet de 1 000 francs qu'il tendit à son ancien camarade. Dès que Salavert fut seul, il se mit à improviser en signe de joie un cavalier seul. Il avait une jambe en l'air lorsque Zénobie, la servante maîtresse que nous avons vue, entr'ouvrit la porte et cria « Le dîner de monsieur est servi !» Salavert, pour toute réponse, courut à Zénobie, lui passa les bras autour de la taille et l'entama avec elle une valse échevelée qui ne cessa que lorsque, épuisés de fatigue tous les deux, ils tombèrent chacun sur une chaise. « Monsieur a donc découvert un filon d'or ?» demanda Zénobie quand elle eut repris son souffle. « Avant un mois, « nous aurons du palissandre, » répondit l'agent d'affaires. « En vérité, et je t'achèterai la robe de soie que je te promets depuis si longtemps. »« Pas possible. Et avec ta robe de soie, un manteau. »« Un manteau. Et des boucles d'oreilles. »« Mais le potage doit refroidir. Allons dîner, je meurs de faim. »